La communauté internationale exalte haut le dirigeant suprême Kim Jong-un. L'administrateur général de l'Institut international des études du Tse a dit qu'il était très impressionné de la vertu de grand homme du dirigeant Kim Jong-un et que l'ère de Kim Jong-un est ouverte solennellement sur la scène politique mondiale à la suite des époques de Kim Il-sung et de Kim Jong-il. Le président de l'Association d'amitié Danemark-République populaire démocratique de Corée a indiqué que son excellence M. Kim Jong-un, qui a renforcé l'armée populaire de Corée en armée révolutionnaire sans rival, et la Corée en puissance militaire invincible par la direction révolutionnaire de Sun Gun, est le commandant prestigieux à la volonté de faire invincible. La radio italienne Città Aperta a rapporté que les Coréens sont tous en pleine fierté d'honorer le maréchal Kim Jong-un pour le dirigeant suprême du parti, de l'État et de l'armée. La déclaration de l'Organisation d'amitié de soutien avec la République populaire démocratique de Corée, séjourne en Italie, et l'écrit du Comité national nigérien d'études du Kim Il-sungisme Kim Jong-ilisme, inséré dans son homepage d'Internet, ont noté que l'invincibilité de la Corée socialiste devient plus sûre grâce au dirigeant suprême Kim Jong-un et que les Coréens envisagent la victoire finale. Le secrétaire général du Comité central du Parti socialiste populaire mexicain, le président de l'Union communiste finlandaise, le président de l'Association Finlande-Corée, le président du Comité national béninois d'études des études du Tse, le chef du cercle bulgare d'études du Kim Il-sungisme Kim Jong-ilisme, le recteur adjoint de l'Université nationale de Jakarta d'Indonésie ont souligné que Son Excellence M. Kim Jong-un a développé le Parti du Travail de Corée en parti Kim Il-sungiste Kim Jong-iliste et a conduit la puissance Paektusan à son apogée par sa direction expérimentée et que personne ne peut arrêter la marche des Coréens guidée par le grand dirigeant.